Le premier ministre coréen Park Bong-joo a envoyé le 2 courant un message de félicitations à Buligi Rapini, réélu premier ministre de la République nigérienne. Le destinataire lui a souhaité plus grand succès dans son travail pour le développement socio-économique du pays et exprimé sa certitude que les rapports d'amitié et de coopération traditionnels entre les deux pays se développeront davantage. Le même jour, le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Soo-yong a envoyé un message de félicitations à Ibrahim Yakuba, élu ministre des Affaires extérieures, de la coopération, de l'intégration africaine et des compatriotes d'outre-mer de la République nigérienne.